Radiomatique. Big fiber. C'était la formation suédoise Covenant qui lançait la transmission 537 d'Audiomatic avec sa composition monochrome tirée de l'album Northern Light sorti en 2002. Et maintenant, c'est au tour de la formation américaine Fiery Furnaces d'assurer la continuité à Audiomatic. Working up the courage to leave you. He's get ready to say he don't love you. Bumped into Percy, stole the credit card, right in Chris Michaels, no it wasn't hard. Number 5 terminal with the yogurt cup, reading a young Versace, she slips it up. Nasty message when he don't pick up. Layover even watching local news. 99 and humid, all the Red Sea blues. Landing in Delhi, take a third class train. Umbrella vendor in the autumn rain. But then the cops come by and ask your name. Schindler mentioned love tea. The case he sentences me. So now go where you're supposed to be and give up your Debbie Desi. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic, à l'artiste américaine Mackenzie Scott, qui œuvre musicalement sous le pseudonyme de Taurus. De son sixième album intitulé What an Enormous Room, paru en 2024, nous entendions la chanson Artificial Limits. Et pour amorcer ce bloc musical, il s'agissait de la formation américaine Fiery Furnaces, qui nous a offert un nouvel album en 2024 après un hiatus de 15 ans. L'album est intitulé Stuck in My Head et présente 20 chansons de The Fiery Furnaces, puisées dans son répertoire de 8 albums studio. Ces 20 chansons ont été réinterprétées live au studio Figure 8 Recording à Brooklyn. Donc, de cet album, nous avons choisi de vous présenter la chanson Chris Michaels. Rappelons que cette pièce a été originalement lancée sur l'album Blueberry Boat, sorti en 2004. Et allons-y maintenant avec le duo britannique Boards of Canada. Thank you.

À Audiomatique, nous venons d'entendre la musique du compositeur norvégien Erik Wulo. De son album Blue Radiance, publié en 2015, nous avons écouté la pièce Osmosis. Avant Erik Wulo, c'était le projet colombien Lastre qui nous offrait la composition Temprano tirée de son unique album homonyme paru en 2018. Et on amorçait la séquence musicale avec Boards of Canada et la pièce Music is Math apparaissant sur l'album Geogaddy sorti en 2002. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec la collaboration entre Polissa et Stargaze. C'était à Audiomatic, l'artiste américaine Cameron Mizero, qui œuvre sous le pseudonyme de Glasser, de la version deluxe de son album Crooks, qui comprend 6 chansons supplémentaires et qui est paru en 2024. Elle nous interprétait la chanson See Nothing, mentionnant que l'album Crooks a été lancé originalement en 2023. Et pour débuter, nous avions droit à la collaboration entre le groupe américain Polissa et l'ensemble allemand Stargaze, de qui nous entendions la pièce-titre de leur album Music for the Long Emergency, lancé en 2018. La transmission 537 d'Audiomatic se conclura sur la musique du groupe allemand Inscape, de qui nous écouterons la pièce Reine Seele, du second album intitulé Licht, Jahren und Dert, sorti en 2002. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre aux anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Inscape et sa pièce Reine Seele. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Und ich steige hin.